La duchesse, une fois rentrée chez elle, se laisse aller à un absolu désespoir. Elle se décide finalement à rester à Parme en renvoyant le comte qui a commis une faute en omettant la phrase qui a permis au prince de faire arrêter Fabrice. Elle décide aussi de feindre d'oublier son neveu afin de mieux le servir et de le faire évader. Elle reçoit le comte Mosca pour lui annoncer qu'elle rompt avec lui. « J'éprouve le pire symptôme de la vieillesse, » lui annonce-t-elle. « Je ne puis plus aimer. » Elle veut simplement rester amie avec celui qui est son amant depuis 5 ans et qu'elle n'a jamais trompé. Le comte, d'abord désespéré, décide ensuite de mettre toute son énergie au service de la libération de Fabrice et demande à Rassi, le ministre de la Justice, de lui rendre visite. Le comte Mosca reçoit Rassi, homme bas et vulgaire, dont le talent est de faire pendre les libéraux qui font peur au prince de Parme. Après un long entretien, le Rassi sortit chez le comte fou de bonheur, car il a obtenu la promesse d'être anobli grâce au comte. Le comte resta avec de grandes espérances de sauver Fabrice, et plus résolu que jamais, à donner sa démission. Quelques jours plus tard cependant, la ville est persuadée de la mort imminente de Fabrice quand le comte propose sa démission. Malgré toutes ses démarches, le comte n'est toujours pas reçu par la duchesse, et la situation de Fabrice ne semble pas s'être améliorée.